1 heure du matin. Il allait écrire un contre-ordre à Fouquet lorsque 11 heures sonnèrent. Il fit jouer avec bruit la serrure de la porte de sa chambre comme s'il se fût enfermé chez lui. Il allait observer à pas de loup ce qui se passait dans toute la maison. Enfin, il alla se placer dans un coin obscur du jardin. Il fit une reconnaissance militaire et fort exacte. « Il s'agit de mon honneur, » pensa-t-il. Le temps était d'une sérénité désespérante. Vers les 11 heures, la lune se leva. À minuit et demi, elle éclairait en plein la façade de l'hôtel donnant sur le jardin. « Elle est folle, » se disait Julien. De sa vie, Julien n'avait eu autant de peur. Il ne voyait que les dangers de l'entreprise et n'avait aucun enthousiasme. Il alla prendre l'immense échelle et à 1h05, posa l'échelle contre la fenêtre de Mathilde. Il monta doucement, le pistolet à la main, étonné de n'être pas attaqué. Comme il approchait de la fenêtre, elle s'ouvrit sans bruit. « Vous voilà, monsieur, » lui dit Mathilde avec beaucoup d'émotion. Julien était fort embarrassé. Il n'avait pas d'amour du tout. Dans son embarras, il pensait qu'il fallait oser. Il essaya d'embrasser Mathilde. « Fi donc !» lui dit-elle en le repoussant. Fort content d'être éconduit, il se hâta de jeter un coup d'œil autour de lui. « Il peut fort bien y avoir là des hommes cachés sans que je les voie, » pensa-t-il. « Qu'avez-vous dans la poche du côté de votre habit ?» lui dit Mathilde, enchantée de trouver un sujet de conversation. Elle souffrait étrangement. « J'ai toutes sortes d'armes et de pistolets, » répondit Julien, non moins content d'avoir quelque chose à dire. « Est-ce là une femme amoureuse ?» pensa Julien. « Elle ose dire qu'elle aime. Tant de sang-froid, tant de sagesse. Au fait, que m'importe? Est-ce que je l'aime? Je triomphe du marquis en ce sens, qu'il sera très fâché d'avoir un successeur, et plus fâché encore que ce successeur soit moi. Ah, que cet homme est digne de tout mon amour » pensa-t-elle. Mathilde lui serra le bras. Il crut être saisi par un ennemi et se retourna vivement en tirant un poignard. Elle avait cru entendre ouvrir une fenêtre. Ils restèrent immobiles et sans respirer. La lune les éclairait en plein. Alors l'embarras recommença. Il était grand des deux parts. Mathilde était tombée dans toutes les angoisses de la timidité la plus extrême. Elle avait horreur de sa position. « Qu'avez-vous fait de mes lettres ? » dit-elle enfin. Quelle bonne occasion de déconcerter ces messieurs s'ils sont aux écoutes et d'éviter la bataille, pensa Julien. La première est cachée dans une grosse Bible protestante que la diligence d'hier soir emporte bien loin d'ici. À propos de quoi est-ce que je mentirais, pensa Julien, et il lui avoua tous ses soupçons. Voilà donc la cause de la froideur de tes lettres, s'écria Mathilde avec l'accent de la folie plus que de la tendresse. Julien ne remarqua pas cette nuance. Ce tutoiement lui fit perdre la tête, ou du moins ses soupçons s'évanouirent. Il osa serrer dans ses bras cette fille si belle et qui lui inspirait tant de respect. « Tu as un cœur d'homme. J'ai voulu éprouver ta bravoure, je l'avoue. Tes premiers soupçons et ta résolution te montrent plus intrépide encore que je ne croyais. » Ce tutoiement, dépouillé du ton de la tendresse, ne faisait aucun plaisir à Julien. Il s'étonnait de l'absence du bonheur. Il se voyait estimé par cette jeune fille si fière. Avec ce raisonnement, il parvint à un bonheur d'amour-propre. Ce n'était pas, il est vrai, cette volupté de l'âme qu'il avait trouvée quelquefois auprès de Madame de Rênal. Il n'y avait rien de tendre dans ses sentiments de ce premier moment. C'était le plus vif bonheur d'ambition, et Julien était surtout ambitieux. On parla des moyens de se revoir. Quoi de plus facile que de se rencontrer dans la bibliothèque pour convenir de tout? En l'écoutant parler, Mathilde était choquée de cet air de triomphe. « Il est donc mon maître, » se dit-elle. Sa raison avait horreur de l'insigne folie qu'elle venait de commettre. Si elle l'eût pu, elle l'eût anéanti, elle et Julien. Elle n'avait nullement prévu l'état affreux où elle se trouvait. « Il faut cependant que je lui parle, » se dit-elle à la fin. Cela est dans les convenances, on parle à son amant. Elle raconta les diverses résolutions qu'elle avait prises à son égard. Elle avait décidé que s'il osait arriver chez elle avec le secours de l'échelle du jardinier, ainsi qu'il lui était prescrit, elle serait tout à lui. Mais jamais l'on ne dit d'un ton plus froid et plus poli des choses aussi tendres. Vaut-il la peine de perdre son avenir pour un tel moment? Après de longues incertitudes, Mathilde finit par être pour lui une maîtresse aimable. À la vérité, ses transports étaient un peu voulus. L'amour passionné était encore plutôt un modèle qu'on imitait qu'une réalité. Mademoiselle de La Mole, croyant remplir un devoir envers elle-même et envers son amant. Aucun regret, aucun reproche ne vint gâter cette nuit qui sembla singulière plutôt qu'heureuse à Julien. Ces belles façons de Paris ont trouvé le secret de tout gâter, même l'amour, se disait-il dans son injustice extrême. Il se livrait à ses réflexions debout dans une des grandes armoires d'acajou où on l'avait fait entrer au premier bruit entendu. Mathilde suivit sa mère à la messe, les femmes quittèrent bientôt l'appartement et Julien s'échappa facilement. Il monta à cheval et chercha les endroits les plus solitaires d'une des forêts voisines de Paris. Il était bien plus étonné qu'heureux. Il se sentait porté à une immense hauteur. S'il n'y avait rien de tendre dans son âme, c'est que, quelque étrange que ce mot puisse paraître, Mathilde, dans toute sa conduite avec lui, avait accompli un devoir. « Me serais-je trompée? N'aurais-je pas d'amour pour lui ?» se dit-elle.